Le vieux gardien arriva, les jambes un peu flageolantes à cause du vin qu'il avait bu. Qui êtes-vous, monsieur ? Articula-t-il avec difficulté. Vieil imbécile, c'est moi, Roshi, ton maître. Ce n'est pas possible. Mon maître est à l'intérieur, bafouilla-t-il, et il s'éloigna avec dignité. Fou furieux, Roshi se mit à cogner au portail. Il hurla, mena un tel vacarme qu'à la fin les gens de la maison accoururent. On le fit entrer, et les deux Roshi se trouvèrent face à face. Qui était le vrai ? Mêmes yeux noirs et malins, même double menton et ventre rebondi. Chacun donna son avis. Les serviteurs penchaient pour l'empereur des dieux. Les enfants, avec enthousiasme, le désignaient aussi. L'épouse, elle, hésitait. Elle eût bien choisi le Roshi aimable et généreux, mais l'autre lui avait parlé à l'oreille d'un certain grain de beauté qu'elle avait sur le sein gauche et elle était troublée. L'intendant, qui était un homme prudent, déclara qu'il ne pouvait se prononcer et qu'il attendrait de savoir d'où soufflait le vent. La confusion risquait de s'éterniser quand l'épouse prit une décision. « Allons demander à Bouddha, » dit-elle. « Lui seul voit le secret des cœurs au-delà des apparences. Il nous éclairera. » Bouddha reçut les deux Roshi dans sa demeure du ciel. « Le vrai Roshi, dit-il, est celui qui suit la voie. Il pratique la justice. Il manifeste l'Atma par sa compassion envers toute créature. » Roshi, le jouisseur égoïste, l'avare, sut alors que la cupidité, le mépris des autres qu'il avait montré jusqu'alors, n'étaient que des accidents, des déformations, un masque qui cachait son vrai visage. Lui, Roshi, participait à la nature du Bouddha. C'était là sa vérité. Shaku, au même moment, reprit sa forme première et redevint l'empereur des dieux. Et Roshi retourna dans sa demeure, emportant avec lui la paix et la lumière. Le Zen sait ces choses. Il appelle chacun à reconnaître derrière le kaléidoscope des apparences la nudité, la simplicité paisible de son visage originel. Ainsi a-t-il été rapporté par les sages du passé.